Exaltons toi le Dieu vivant. Nous élevons ton nom, Seigneur, car il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable. Ni ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Tu es infiniment grand. Tu es tellement grand. Le monde ne peut te contenir, Seigneur. Nous n'avons même pas de vocabulaire pour décrire ta grandeur. Nous célébrons ton nom et nous t'élevons, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne, Seigneur, raison pour laquelle nous t'élevons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu mérites que nous puissions nous prostrer et pas trop de place. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les cieux, la terre divisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la ta désillusion que j'affronte la nuit, le jour. Tu es pris. Amène-moi ce soir, amène-moi, oh, amène-moi. ramène-moi. Oui, baby, la viombo. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit. Réalise cela et rechante ça encore. Ramène-moi aux choses simples. Le ciel et la terre suffisent pour l'esprit. La splendeur. Ramène-moi aux choses simples. Je crois en ton armée qui m'entoure. Je sais de croire à la taille des illusions. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Adore le Seigneur bien-aimé. Nous croyons à un Dieu infiniment grand, un Dieu infiniment puissant. Les dictionnaires n'ont pas de mots pour décrire sa grandeur. Adore ce Dieu. Il est digne que nous puissions l'élever. Il est digne. Il est digne que nous puissions l'adorer. Tu vas acclamer très fort. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Mungu. Pour sa grâce qui nous accorde. Neema yake ambayo anatupatia. Dans cette marche que nous avons commencé, katika njia hii ambayo tumeenda kuanza, depuis des semaines, tangia juma mbili, et nous lui disons merci pour ce privilège qu'il nous accorde pour être l'un des instruments qu'il va encore utiliser ce soir. Na tunasema asante kwa neema hiyo ambayo anatupatia kama vile kiombo atakachotumikisha kwa jioni ya leo. Alléluia. Amen. Nous disons aussi merci. Tunasema pia asante pour le conseil pastoral, pour la marque de confiance. Kwa baraza la wazee kwa hiyo hali ambayo wanatutilia tumaini ambayo wanatutilia. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire, relire notre texte. Tutachukua Biblia zetu na tutaenda kusoma kitabu chetu. Psaume chapitre 1er. Zaburi sura moja. Verset 1 à 3. Mustari wa kwanza mpaka wa tatu. La Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Je pense que nous n'avons plus besoin de lire ces c'est quelques versets même dans la Bible. Ninafikiria ya kwamba hatuna haja ya kusoma miandiko hii hata ndani ya Biblia. Alléluia. Amen. Qui connaît ça par cœur? Nani anayajua kwa akili yake mwenyewe? Deux personnes seulement. Watu wawili tu. Je pense que nous allons commencer seulement à réciter ça. Ninafikiri tutaanza kwa tukiyarudiria kila mara. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous sommes dans notre thème. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et nous allons développer les sous-thèmes. La réussite dans la vie sociale. Mafanikio katika maisha ya jamii. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la vie sociale, wakati tunapozungumzia maisha ya jamii, c'est quelque chose de quotidien que nous vivons à tout moment. Ni kitu kia kawaida ambacho tunakiishi kila mara. Et si nous voulons réussir notre mission sur la terre, na kama tunataka kuweza mambo yetu hapa chini ya jua, il faut que nous puissions réussir dans le domaine social. Inatubidi tuweze ndani ya jamii. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible nous parle de tout ce qu'il fait lui réussit, wakati Biblia inatuzungumzia ya yale yote anayoyatenda anafanyikiwa. La Bible parle de tout. Biblia nasema yote. Alléluia. Amen. Tout sans exception. Yote bila kukosa hata moja. Donc tout ce que vous faites. Yote unayoyafanya. Si c'est l'évangélisation, il faut que ça réussisse. Kama ni kuhubiri inabidi ifanyikiwe. Si ce sont les affaires, il faut que ça réussisse. Kama ni biashara inabidi ifanyikiwe. Lorsque tu parles avec quelqu'un, il faut que ça réussisse. Wakati unazungumza na mtu inabidi uweze. Il ne faut pas que dans ton langage il y ait des paroles qui vont commencer à blesser les gens. Haipashi katika masemi yako kuwe maneno ambayo yataanza kukwaza watu. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire c'est tout et dans tous les domaines de notre vie. Inamaanisha ya kwamba ni yote na yale yote ambayo tunayatenda katika maisha yetu. L'homme de Dieu nous a parlé des principes. Mtu wa Mungu ametuzungumzia juu ya shurti. De la réussite selon laquelle. Ya mafanikio kama vile. Il faut connaître notre nom divin. Inatubidi tujue jina letu la Mungu anatuita. Et que c'est dans ce nom-là qui a la mission. Na ni katika jina hili ndio ambako kuna kuwa kazi ambayo tutatenda. Ce que nous devons savoir, yale ambayo natubidi tujue, la réussite, mafanikio, c'est un choix. Ni kuchagua. Et tous ceux qui m'ont précédé ici, na wale watu walio nitangulia mahali hapa, nous ont dit ça. Wametuzungumzia hivyo. Si tu veux, tu vas réussir. Ukitaka, utaweza. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas réussir. Kama hautaki, hautaweza. Alléluia. Amen. Malgré que tu sois ici et que tu fasses les 30 jours ici, ijapokuwa uwe mahali hapa na ukitimiza hizo siku 30 mahali hapa, si tu ne choisis pas de réussir, kama hauchague kuweza, malgré toutes ces prédications, haijalisi haya mahubiri yote, et toutes ces prières, na haya maombi yote, si tu ne choisis pas de réussir, kama hauchague kufanyikiwa, bien aimé, même à la fin de ce tournant, hata kwa mwisho wa kipindi hiki, tu vas continuer dans l'échec, utaendelea tu kushindwa. Mais il faut décider de choisir la réussite. Lakini inakubidi uchague kuweza. Dieu attend que chaque être humain accomplisse sa mission et dans la réussite. Mungu anangojelea kila mwanadamu atimize misioni yake na ndani ya kufanyikiwa. Mais nous devons savoir que cette mission que nous avons, cette mission qui est attachée à notre nom, lakini natubidi tujue ya kwamba misioni hii ambayo inafuatana na jina yetu, c'est une mission que nous devons accomplir dans un cadre social. Ni kazi ambayo tunaweza tukaitimiza ndani ya jamii. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a parlé des trois destinations de notre mission. Il nous a parlé que notre mission est destinée à la communauté. Il y a aussi les besoins de notre société. Il y a aussi la cause de Dieu. Nous voyons que dans tout ça, si nous voulons réussir dans la communauté, nous devons réussir dans la société. Notre vie sociale doit être une réussite. Si nous voulons réussir et accomplir notre mission dans les besoins de la société, nous devons travailler sur notre façon d'être dans cette société-là. Et même pour la cause de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous réussissons, si nous ne réussissons pas à bien vivre dans la société, il nous sera impossible d'accomplir la mission qui est attachée à notre nom. Même si nous pouvons connaître notre nom, même si nous ne savons pas vivre dans la société, ça sera impossible. Puisque nous sommes appelés à interagir chaque jour avec les êtres humains. Et notre mission doit s'accomplir sur les hommes. Alléluia. Amen. Si c'est l'évangélisation, tu ne vas pas aller évangéliser les bêtes, tu vas évangéliser les hommes. Alléluia. Amen. Et pour être capable de se faire accepter par ces gens-là, il faut savoir vivre avec ces gens. Alléluia. Amen. Si c'est dans le travail, il faut savoir bien collaborer avec les gens avec lesquels vous travaillez. Et la vie sociale, c'est notre quotidien. Maisha ya jamii ni ya kila siku. Dans nos familles, dans, ya jama, dans les écoles, dans, ya masomo, dans les entreprises dans où nous travaillons, au marché, dans ya soko, partout où nous nous trouvons, mahali popote tunaweza tukapatikana. Nous sommes avec les gens. Tunakuwa pamoja na watu. Vous ne pouvez pas décider et dire maintenant je vais commencer à vivre dans la vie sociale. Non, hawezi c'est la vie de chaque jour. C'est automatique, c'est ça même la vie. Ni maisha ya kila siku na ni haya ndio maisha. Mais nous devons savoir que la vie sociale est basée sur des relations. Des relations entre les êtres humains. Si nous voulons réussir, nous devons être capables de tisser de bonnes relations avec les gens. Alléluia. Imaginez une personne. Fikiria mtu mmoja, on lui laisse la ville de Goma. Wanamwachia mji wa Goma. On met tout et tout ce qui manque. Wanatia vyote na vyote ambavyo vimekosekana. On lui dit on remplit des délestages. Wanasema hakutakosa umeme. Le courant sera là. Umeme utakuwa. On garnit les congélateurs. Utatia les frigos. On met tout. Wanatia vyote. On lui laisse même les supermarchés. Wanakuachia hata on lui crée même d'autres supermarchés. Na wanafungula hata maduka zingine. Et on lui dit reste maintenant dans la ville de Goma vie. Vous pensez que cette personne peut faire 6 mois? Seule. Avec tout. Bien aimé, l'homme ne peut pas vivre seul. Même si on te donne tout ce dont l'homme peut désirer, la personne ne va pas faire 6 mois, il va se suicider. Mutu hataweza kuishi miezi sita, atajiua mwenyewe. Raison pour laquelle, ndio maana, vous voyez les gens qui vivent dans la solitude se suicident. Tunaona watu ambao wanaishi katika upweke wanajiua. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions voir l'origine de la vie sociale. Ninataka tutazame chanzo ya maisha ya jamii. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2. Biblia inatuambia katika kitabu kia Mwanzo sura 2. Genèse chapitre 1 d'abord. J'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 1er. Natamani tusome pamoja Mwanzo sura ya kwanza. Le verset 26. Na mustari wake wa makumi mbili na sita. Puis Dieu dit, Mungu akasema, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Tumufanye mutu kwa mfano wetu, mwenye sura yetu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, na watawale juu ya samaki sur les oiseaux du ciel, na juu ya ndege za sur hewa, les bétails, na juu ya ngombe, sur toute la terre, na juu ya inchi nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na juu ya kila mtambazi anayetembea juu ya inchi. Alléluia. Amen. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mungu akasema na tumuumbe mutu kwa mfano wetu. Dieu utilise le pluriel. Mungu anatumikisha uwingi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu utilise le pluriel pour dire notre image, wakati Mungu anatumikisha wingi akisema kwa mfano wetu, cela prouve que Dieu ne vit pas dans la solitude. Haya yanaonesha ya kwamba Mungu haishi ndani ya upweke. C'est la raison pour laquelle quand il crée l'homme, ndio maana wakati anapomuumba mtu, il ne veut pas que l'homme soit dans la solitude. Hataki mtu awe katika upweke. Je disais que nous voulons voir l'origine de la vie sociale. Nilikuwa nikisema tunataka kuona kianzilishi ya maisha ya jamii. Lorsque nous parlons du mot social, wakati tunasema juu ya jamii, nous sous-entendons la société. Tunasikia haya ambayo yanaunga jamaa. Et dans ce mot société, na katika jina hili jamaa, nous voyons l'association, tunakutana umoja, nous voyons l'union, tunakutana umoja, nous voyons la fréquentation, tunakutana kukutana, et nous voyons la compagnie, na tunaona kukutembea pamoja. Alléluia. Amen. Une personne normale, mutu wa kawaida, a besoin de vivre en association avec d'autres personnes. Ana haja ya kuishi pamoja na watu wengine. Une personne normale a besoin de vivre en union avec d'autres personnes. Mtu wa kawaida anapasha kuunga kuishi ndani ya miungano pamoja na wengine. Même si tu peux dire moi je n'aime pas que les gens me fréquentent, je vis seul, je veux vivre ma vie seule. Hata kama unaweza kusema na sipendi watu wanisogelee, nitaishi maisha ya mimi mwenyewe. Ça ne sera pas impossible puisque tu auras toujours besoin de gens. Haitawezekana kwa kuwa utakuwa na haja ya watu wengine. Une personne normale a besoin de fréquenter d'autres personnes et il a besoin aussi qu'on les fréquente. Mtu wa kawaida anatamani kuwa na watu wengine naye pia anatamani kwenda kwa watu wengine. Et une personne veut avoir la compagnie. Mtu anataka awe na washirika. Même un bébé, hata mtoto mdogo. Un bébé qui ne parle pas, qui n'ouvre même pas parfois les yeux. Mtoto ambaye hafungue hata macho. À la maternité. Kwa kituo cha kuzalia. Vous pouvez le voir quand on le porte entre les mains. Unaweza kuona wakati anamchukua katika mikono. Il se calme. Ananyamaza. Dès le moment où on le dépose sur le lit, anamchukisha kwenye kitanda. Il commence à crier. Anaanza lalamika. Vous vous demandez cet enfant, il connaît les gens. Où est-ce qu'il a vu les gens? Bien aimé, toute personne a besoin d'être accompagnée avec d'autres personnes. Et ces mots, ces quatre mots que j'ai trouvés dans les dictionnaires, ce sont des mots que nous trouvons dans notre texte de Psaume chapitre 1er. Les versets 1 à 3. Ni maneno ambayo tunakutana katika kitabu kietu kia Zaburi, sura moja, mstari wa kwanza hadi wa tatu. La Bible nous dit, heure l'homme. Biblia natuambia, heri mutu. Alléluia. Amen. Heure l'homme. Heri mutu. Cet homme-là qui est heure, huyu mutu ambaye amekuwa na heri, c'est la personne qui vit en association. Ni mutu ambaye anaishi katika mikutano. C'est la personne qui vit en union. Ni mutu anaishi katika umoja. C'est la personne qui vit dans la fréquentation. Ni mutu ambaye anakutana na wengine. Avec les autres personnes. Na watu wengine. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de heure l'homme qui ne marche pas. Cette personne, on dit que on parle de marcher. Marcher c'est long. Biblia nasema heri mutu asiye tembea. Nous trouvons dans ces mots l'association. Tunakutana katika neno hili. Il s'associe aux gens pour marcher avec eux. Anaungana na watu ili atembee pamoja nao. Il ne s'arrête pas. Hasimame. Il y a la fréquentation. Kuna mikutano. Il fréquente les gens. Anakutana na watu. Amen. Il ne s'assoit pas accompagné. Haketi miongoni. C'est l'union. Ni umoja. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que tu le veilles ou pas, mupendwa uyapende usipoyapenda, tu as besoin de gens. Una haja ya watu. Même si tu fais semblant de les chasser. Hata kama utawafukuza, même si tu fais semblant de les bouder, hata kama utawanyamazia, tu fais semblant, unafanya kuzizuiza, puisque tu as besoin de ces gens. Kwa kuwa una haja ya hawa watu. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, kama vile mtoto wa Mungu, lorsque nous lisons ces passages, wakati tunaposoma maandiko haya, même si la parole de Dieu nous dit que l'homme doit fréquenter, l'homme doit être accompagné, l'homme doit être en union, hata kama Biblia inatuambia mwanadamu anapasha kuwa pamoja na wengine, anapasha kuwa na umoja na wengine, ce passage est en train de nous mettre en garde. Neno hili linatuzuiza que si nous voulons réussir, kama tunatamani kuweza, nous devons choisir. Inatubidi tuchague. Nous devons savoir quels sont les gens qui seront à notre compagnie. Ils sont dans quel environnement? Inatubidi tujue watu ambao watakuwa miongoni mwetu, wanakuwa wa aina gani? Alléluia. Amen. Nous devons savoir choisir l'environnement dans lequel nous allons prendre les gens qui vont nous accompagner, les gens que nous allons fréquenter et qui peuvent nous fréquenter. Inabidi tujue mazingira gani ambao tutatembelea ili tujue watu ambao watakuwa pamoja nasi na wale ambao tutaungana nao. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de l'origine de la vie sociale, wakati tunapozungumzia chanzo ya maisha ya jamii, nous voyons que c'est Dieu seul. Tunaona ni Mungu mwenyewe qui est l'initiateur, ambaye ameanzisha jambo hili. J'ai bien dit avant que Dieu ne vit pas dans la solitude. Nimesema hapo mbeleni ya kwamba Mungu haishi ndani ya upweke. Puisque lui-même a dit, kwa kuwa mwenyewe amesema, créons l'homme à notre image. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Et lorsqu'il a l'idée de créer l'homme, na wakati amekuwa na hiyo fikara ya kumuumba mtu, il a déjà cette idée là que l'homme ne peut pas vivre dans la solitude. Amekuwa na mafikiri haya kwamba mtu hataishi ndani ya upweke. Cette idée là n'est pas venue en Dieu lorsque il a nommé il a dit à l'homme de nommer les animaux que l'homme n'a pas trouvé sa compagne là dans les animaux. Neno hili la kuishi ndani ya jamii alikumkujia Mungu wakati alipokuwa akiumba akimwambia utapatia manyama majina. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu utilise le langage de dire créons l'homme à notre image, wakati Mungu anaposema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, et à notre ressemblance, akitufanana, bien aimé, ce n'est pas l'image physique. Sio hiyo kufanana ya kimwili. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ce n'est pas l'image physique que nous voyons. Wakati Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu anayetufanana, si hiyo ambayo tunatazama kwa nje. Mais c'est la nature de Dieu que Dieu a mis à nous. Ni hali ya Mungu ambayo Mungu ameweka ndani yetu. C'est la nature de Dieu. Ni hali ya Mungu. La Bible nous dit que Dieu est trinitaire. Biblia inatuambia ya kwamba Mungu anakuwa ndani ya utatu utakatifu. Père, Fils et Saint-Esprit. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Et lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, na wakati Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, il a cette image là. Anatazama hiyo picha. C'est la raison pour laquelle quand il crée l'homme, ndio maana wakati anapomuumba mwanadamu, il crée corps, âme et esprit. Anamuumba mtu mwili, roho na nyama. Ainsi cet homme là, na mtu huyo, comme il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit, kama vile anakuwa na mwili, anakuwa na roho na nyama, il possède l'intelligence. Anakuwa na akili. Alléluia. Amen. Il a l'intelligence. Ana akili. Il a le sens moral. Ana jisia. Il a les capacités de communiquer avec quelqu'un d'autre. Anakuwa na uwezo wa kuzungumza na watu wengine. Et il a une nature émotionnelle. Na anakuwa hata na hiyo uchungu. C'est ça ce que Dieu veut dire, créons l'homme à notre image. Ni haya ndio Mungu anatamani wakati anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Alléluia. Amen. Et ce sont ces choses-là qui permettent l'homme d'être capable de vivre en société. Na ni mambo haya ambayo yanamsaidia mwanadamu kuishi katika jamii. Bien-aimé, si tu perds ces choses-là, ndugu yangu, ukipoteza la tienne, tu n'existes plus. Umekufa. L'intelligence n'est plus là. Akili haipo. Le sens moral n'est plus là. Tu n'es plus capable de communiquer. Donc, toi, tu es mort. Alléluia. Ce sont ces choses que Dieu a mis dans l'homme qui les permet d'interagir avec d'autres personnes. Et nous voyons dans les passages que nous avons lu que Dieu a pris la poussière et il a fait l'homme, il l'a créé. Na katika usomi ambao tumeuona, tunaona ya kwamba Mungu alichukua mavumbi na kamtengeneza mwanadamu. Le verset 7 du chapitre 2 du Genèse, la Bible nous dit: Mustari wa saba sura ya pili ya kitabu kia mwanzo, Biblia inatuambia: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mutu wa mavumbi ya inchi. Il souffla dans ses narines. Akapuliza pumzi ya uzima. Un souffle de vie. Ndani ya pua zake. Et l'homme devint un être vivant. Na mutu alikuwa nafsi ya uhai. Alléluia. Amen. Dieu prit de la poussière. Mungu akakamata mavumbi. De la terre. Ya udongo. Et il mit son souffle. Na akatia pumzi yake. Alléluia. Amen. Et l'homme devint un être humain. Na mutu akawa mwanadamu anayeishi. Aujourd'hui, Léo, les scientifiques nous disent, wanasiasa wanasema, les gens qui ont fait l'agronomie, c'est l'agronomie, les gens là qui savent les qualités des terres. Wato ça c'est terre mama, rouge, terre noire, terre ceci, terre là-bas. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien vous rappeler de ce que je viens de dire. Ninawaomba mupime kukumbuka. Les scientifiques nous disent qu'il y a différentes sortes de terres. Alléluia. Wanatuambia kuna tofauti ya udongo. Mais lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu prit la terre et forma l'homme. Wakati Biblia inatuambia Mungu akakamata mavumbi na kajenga. Il ne nous a pas parlé s'il a pris la terre rouge. Hakutuambia kwamba alikamata udongo. Ou si c'est la terre jaune ou si c'est la terre noire de Goma. Kama ni udongo nyeusi wa Goma. Il a pris seulement la terre. Alikamata tu udongo. Alléluia. Amen. Comme Dieu veut que l'homme vive à société, kama vile Mungu anapenda mwanadamu aishi ndani ya jamii. Il ne s'est pas limité à créer seulement Adam. Hakujitosha tu kumumba Adamu. Et il voulait maintenant mettre en exécution ce qu'il avait en cœur. Alipenda atie yale ambayo alikuwa ndani ya moyo wake yaanze kutumika. Et il va maintenant créer la deuxième personne. Na kamumba mtu wa pili. Pour concrétiser ce qu'il avait dans sa tête. Ili akamilishe yale ambayo alikuwa nayo ndani ya mawazo yake. Genèse chapitre 2 le verset 18. Mwanzo sura 2 mstari wa 18. La Bible dit. Biblia usema. Dieu lui-même dit. Mungu mwenyewe akasema. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mtu awe peke yake. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nitamfanyizia msaidizi anayefaa kwake. Alléluia. Amen. Dans ce passage, Dieu concrétise ce qu'il disait. Il n'est pas bon que l'homme katika soit seul. Il faut que je fasse une autre personne. Katika usomi hii Mungu anatia kwa matendo yale ambayo alikuwa yakiyafikiria. L'homme n'a pas été capable d'interagir avec les animaux. Mwanadamu hakuwa na uwezo wa malgré que c'était lui qui les a donné les noms. Ijapokuwa ni yeye ndiye aliwapatia majina. Et Dieu dit il faut qu'il y ait une deuxième personne. Na Mungu akasema inabidi kuwe mtu wa pili. Alléluia. Amen. La vie sociale. Maisha ya jamii. Nous la vivons avec nos semblables. Tunayaishi na wale ambao tunaoishi nao. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire moi je suis dans la vie sociale avec les animaux. Alléluia. Amen. S'il s'agissait de cela, Dieu n'allait pas créer une deuxième personne. Ingelikuwa ni hivi, Mungu angemuumba mtu wa pili. Alors pourquoi nous parlons du semblable? Kwa nini tunazungumuzia anayefanana? Parfois vous savez que nous utilisons des termes et nous n'entrons pas dans les profondeurs pour comprendre c'est quoi ce que nous voulons dire. Mara mingi tunasema maneno na hatuingie undani ili tuelewe nini tunatamani kusema. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport au semblable. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et que nous puissions lire Psaume chapitre 2, les versets 21 et 22. Tutaenda kusoma Genèse chapitre 2, 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme alileta usingizi mzito, qui s'endormit. Kuangukia mtu, akalala, il prit une de ses côtes akatoa mmoja wa mifupa, et renferma la chair à sa place. Ya mbavu zake, akafunga nyama kwa pahali penyewe. L'Éternel Dieu forma une femme. Namfupa wa mbavu 22. Namfupa wa mbavu Bwana Mungu aliondosha kwa mtu. Attends. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Namfupa wa mbavu Bwana Mungu aliondosha kwa mtu akafanya mwanamke akampeleka karibu na mtu. Alléluia. Amen. J'ai dit que lorsque Dieu a créé Adam, nilisema wakati Mungu alipomuumba Adamu, il a pris la terre. Alichukua udongo. Il a créé Adam. Il a mis son souffle à lui. Et ce passage nous montre comment Dieu a créé la deuxième personne qui devait interagir avec Adam. La Bible nous dit que Dieu fit endormir l'homme. Et il prit une de ses côtes. Il renferma la chair akafunika hii nyama à sa place kwa nafasi yake. Et il fit une femme. Na akakuwa mwanadamu. J'aimerais vous poser la question. Natamani niwaswali jambo moja. Est-ce que la Bible nous dit que Dieu a pris la terre, il a ajouté à cet os-là? Je, Biblia imetuambia ya kwamba Mungu alikamata tena udongo akaongeza kwenye mfupa huo. Je, vous pose la question. Ninauliza swali. Peut-être ce n'est pas écrit dans ma Bible. Inawezekana haiandikwa katika Biblia yangu. Est-ce que si l'os là que Dieu a pris, il avait ajouté la terre? Je kwa mfupa huu ambao Mungu alikamata aliongeza udongo. La Bible nous dit que il prit. Biblia inatuambia akachukua. Vous savez que la matière première qui a fabriqué l'autre personne avec laquelle l'homme devait interagir était sortie de Adam. Jambo ambalo Mungu alitumia wakati alipomuumba mtu atakaye uwasiliana na Adamu ilitoka kwa Adamu. C'est la raison pour laquelle ndio maana lorsque Dieu a amené la femme vers Adam. Wakati Mungu alimleta Eva mbele ya Adamu. Dieu n'a rien dit. Mungu hakusema kitu. Adam lui-même a dit que ça c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Kwamba huu ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama zangu. Aujourd'hui je m'étonne. Leo ninashangaa. Dans les couples katika ndoa un homme qui frappe sa femme. Mais tu te frappes toi-même. Vous savez, Dieu est tellement sage. J'aime Dieu, nous pouvons l'acclamer. Si Dieu pouvait prendre une autre terre pour ajouter à cet os-là, je sais qu'aujourd'hui, les hommes allaient dire, moi j'ai été fabriqué par la terre noire, et toi tu as été fabriqué par la terre rouge. Il y aurait une différence de terre. Mais Dieu a su que cela pourrait arriver. Il a dit, je ne prends plus la terre, je prends seulement les morceaux de cet homme-là. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de kosana, on génère pas tête. Lorsque tu hais quelqu'un, tu te hais toi-même. Alléluia. Amen. Et dans les couples, na katika ndoa, pourquoi tu n'aimes pas, tu dis, oh, moi je n'aime plus ma femme. Kwa nina, sama, mimi simpendi tena mke wangu. Il y a un jour où tu t'es réveillé, tu as dit, je n'aime plus mon bras, coupez mon bras. Est-ce que tu à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir dans cette maison. Bien-aimé, il faut que nous puissions comprendre cette vérité. Si nous comprenons cette vérité, aucun homme ne dira à sa femme, je ne vais plus te voir dans cette maison. Si tu es capable de dire, je suis fatigué de mon bras droit, coupez mon bras droit, tu peux dire à ta femme, unaweza kumwambia mke wako, va-t'en. Enda. Alléluia. Amen. Puisque c'est une partie de toi. Kwa kuwa ni moja wa viungo vyako. C'est cette même terre-là. Ni hiyo hiyo udongo. Qui t'a fabriqué. Ambayo imekutengeneza. Dieu ne l'a pas pris par terre. Mungu hakuikamata mara mbili. Il l'a pris à toi. Alikamata ndani yako. Alléluia. Amen. Et nous voyons, na tunaona, dans la suite de ces passages, katika mambo ya la Bible dit que Dieu le bénit. Biblia nasema Mungu akawabariki. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, Dieu bénit les mariages. Dieu bénit les mariages. Mungu akabariki ndoa. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons la suite, wakati tunaangalia mambo yanayofuata, lorsque ces deux personnes, wakati watu hawa wawili, se sont mis ensemble, wakaketi pamoja, vous savez que vous pensez que Dieu n'était pas capable de créer même les enfants, il crée des enfants. Unafikiria kwamba Mungu hakuwa na uwezo wa kuwaumba hata watoto? Il n'a pas fait ça. Mungu akufanya jambo hili. Dieu a dit. Mungu akasema. Les autres personnes là qui vont venir. Watu wengine watakao kuja. Comme vous êtes appelés à interagir avec ces gens-là. Kama vile mumeitwa kuishi na watu hawa. Ils vont seulement sortir de vous. Watatoka ndani yenu. Pour qu'ils aient votre nature. Ili wawe na utu wenu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a pris la partie de l'homme pour créer la femme. Wakati Mungu alikamata viungo vya mwanaume akamjenga mwanamke. Il voulait alitamani que cette femme là mwanamke huyu la même nature que la mtu kama vile wa mwanaume. Alléluia. Amen. Puisque si la femme n'avait pas la même nature que l'homme, kama mwanamke hangekuwa na utu kama vile wa mwanaume, comment est-ce qu'elle pouvait aider l'homme? Namna gani angemsaidia mwanaume? Dieu dit, Mungu akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire une aide qui a la même nature que lui. Alléluia. Amen. Rappelle au voisin qui est là à côté de toi. Kumbusha ndugu ambaye anakuwa pembeni yako. Il faut pas me regarder de mauvais œil. Umwambie usiniangalie na macho ya mbaya. Puisque toi, kwa kuwa c'est wewe, qui te constitue, c'est ce qui me kujenga, ni ile ambayo imenijenga. Alléluia. Amen. Tous tels que nous sommes ici, nous sommes constitués de la même matière. Tumeandikala mahali hapa tumejengwa na udongo. C'est la raison pour laquelle on n'a même pas besoin de se minimiser. Ndio maana hatuwezi tukadharauana. Ule ni mfupi, ule ni mweusi, ule ni muhunde, ule ni nini. Lorsque Dieu a eu la pensée de créer l'homme, toutes ces choses-là n'existaient pas, bien aimé. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu prend la matière première d'Adam pour créer Ève? Na kwa nini Mungu anakamata hiyo udongo wa kwanza kwa Adamu ili amuumbe Eva? J'ai dit que Eve avait la même nature que Adam. Nimesema ya kwamba Eva amekuwa na maumbili moja kama vile ya Adamu. Pour que Eve, qui est venue comme aide, kama Eva vile alivyokuja kama vile msaada, soit capable de comprendre les réactions de Adam. Ili aweze kujua yanayojitokeza ndani ya Adamu. Lorsque Adam pourrait réagir de telle manière, wakati Adamu angeweza kutoka jambo fulani, kama vile Eva, a la même nature que Adam, anakuwa na umaumbili moja kama vile Adamu, il va directement comprendre, ataelewa mara moja, que c'est ça l'être humain. Ya kwamba ni haya ndio mwanadamu. C'était pour que Eve puisse comprendre les émotions de Adam. Ilikuwa Eva aweze kuelewa, Eve puisse comprendre le langage de Adam. Aweze kuelewa lugha ya Adamu. Alléluia. Amen. C'était pour que Eve puisse sentir ce que Adam peut sentir. Ilikuwa kama vile Eva ajue kuelewa yale ambayo Adamu anasikia ndani yake. Si Eve n'était pas créée de la même nature que Adam. Wapenda kama Eva hangeliweza kuumbwa kama vile Adamu. Ka Adam pouvait transpirer dire j'ai chaud. Wakati Adamu angetoka jasho na kusema nina joto. Eve pouvait se dire ça c'est quoi encore? Eva angejiambia hii ni nini tena? Mais tellement qu'elle-même a déjà senti la chaleur. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesikia joto. Elle sait le comprendre. Anajua kuyaelewa. Alléluia. Amen. Elle sait, elle pouvait bien comprendre que ça c'est la joie. Angeliweza kuelewa hii ni furaha. Lorsque Adam fait. Wakati Adamu anafurahi, anauzika. Eve pouvait savoir que ça c'est ce qu'on appelle la joie. Eve angelijua kama ni ndio furaha. Lorsque Eve pouvait voir. Wakati Eve angeona Adamu anakaa kimya. Elle pouvait bien se dire ça, il est fâché. Angelijua kwamba huyu anasikia. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas pris ailleurs. Ndio maana Mungu hakukamata udongo mwingine. Pour que Adam soit capable d'aider à 100% pour que Eve soit capable d'aider à 100% Adam. Ili Eve aweze akamsaidia akamtoshelea Adamu. Alléluia. Amen. Bien-aimée chère femme. Wapendwa wa mama. Lorsque Dieu t'a placé, je pense que les jeunes vont dire, oh, ça c'est l'enseignement des couples. C'est à ta part. Puisque tu portes la matière de tes parents. Alléluia. Oh, moi je ne comprends pas mes parents. Je ne suis plus capable de les supporter. Moi je pense que je vais quitter chez nous seulement. Je vais aller ailleurs. Mais tu as la même nature que tes parents. Comment tu n'arrives pas à les comprendre et à les supporter? Alléluia. Amen. Dieu a mis à toi la capacité de supporter tous les caprices de l'homme. Mungu ametia ndani yako uwezo wa kuwachukua wengine kuwachukulia. Alléluia. Amen. Tu n'as pas raison de dire moi je vais fuir cette maison puisque je trouve que vraiment maman ngwasha kwa makali sana ina haja ya kusema mimi nitatoka nyumbani kwetu. Kama unaona ke mama kwa shakwa makali sana. Si tu vois que ta maman est devenue trop méchante. Jua kama na wewe kale kama makali kiko mwei. Comprends que toi aussi tu es méchante. Puisque tu es sorti d'elle. Kwa kuwa umetoka ndani yake. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons nous comprendre. Wapendwa inatubidi tuelewane. Nous n'avons pas la raison. Hatuna de nous haïr. Ya kuchukiana. de dire moi je ne les comprends pas, je ne les supporte plus. Puisque lorsque Dieu nous a créés, c'était la même matière. Et lorsque Adam et Ève étaient dans leur mariage, ils ont eu leurs enfants. Vous pensez que les enfants là n'ont pas eu la nature de Adam? Alléluia. Amen. Ils avaient cette même nature. Walikuwa na haya haya maumbile. Puisque Dieu n'a pas prié ailleurs. Kwa kuwa Mungu hakuchukua nafasi ingine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza kumshangilie Bwana. Sache que lorsque tu dis que tu ne comprends pas quelqu'un, elewa ya kwamba wakati unaposema haumuelewe mtu, tu fais simplement le choix de dire je ne veux pas le comprendre. Wewe mwenyewe unachagua ya kwamba siwezi kumuelewa. Puisque tu as la capacité de le comprendre. Kwa kuwa una uwezo wa kumuelewa. Tu as la capacité de le supporter. Unakuwa na uwezo wa kumchukulia. Puisque toi-même aussi tu as des caprices que tu veux que les autres supportent. Kwa kuwa unakuwa na hali ambayo unatamani wengine nao wakuchukulie. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a fini de réaliser son plan après avoir créé la femme. Na wakati Mungu alipomuumba mwanamke, il a dit tout est très bon. Akasema ni vema. Alléluia. Amen. Vous savez que après ces choses-là, unaelewa baada ya mambo haya, même quand Dieu a dit tout est très bon, wakati Mungu alisema yote ni vema, hakuishia hapa. Il a donné des instructions. Akapana maashauri. Comment les gens devaient vivre? Namna gani watu wataishi katika jamii? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il les a placés dans les jardins d'Eden. Na Biblia inatuambia akawaweka katika shamba la Eden. Il les a donné les instructions. Akawapatia maagizo. Comment ils devaient vivre dans les jardins d'Eden? Namna gani wanaweza kuishi katika shamba la Eden? Vous savez que lorsque j'ai réfléchi à ceci, tazama wakati nilipofikiria mambo haya, j'ai réalisé que la création de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, nilielewa ya kwamba wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, Dieu n'a pas mis une partie qu'on appelle péché. Mungu hakutia nafasi moja ambayo inaitwa dhambi dalom ndani ya mwanadamu. N'est-ce pas? Ndio. J'ai comparé ça au fabricant de l'ordinateur. Nimelinganisha haya na wale ambao wanaotengeneza computer. Celui qui a fabriqué l'ordinateur. Yule aliyetengeneza computer. Vraiment vous allez m'excuser puisque je ne suis pas informaticien, je ne connais pas grand chose dans l'ordinateur. Kwa kweli mutanielewa kwa kuwa sielewe mambo mengi juu ya computer. Mais celui qui a fabriqué l'ordinateur. Lakini yule aliyejenga computer, il a fabriqué et il a mis dedans les logiciels. Ameyatengeneza na ametia ndani ya hiyo program. Est-ce que quand vous allez au magasin pour aller acheter un ordinateur, hein, 00 km, wakati unapoenda kwenye duka na kununua computer, est-ce qu'il y a un logiciel qu'on appelle virus dans l'ordinateur? Je, katika computer hii kuna kuwa program moja ambao wanaita virusi. Est-ce qu'il y en a? Je, kuna kuwa. Quand on achète l'ordinateur, wakati unaponunua computer, le fabricant il a mis des logiciels. Yule ambaye ameitengeneza ce logiciel là va t'aider à mettre à faire tout ce que tu auras besoin de faire avec na ton programme ordinateur. Na programme itakusaidia utende yale ambayo unayataka juu ya computer yako. Et toi-même, na wewe mwenyewe, quand tu veux, wakati utakapotamani, tu mets des programmes. Alléluia. Mpangilio humo ndani. Et c'est ce que Dieu a fait. Na ni haya ndio Mungu ameyatenda. Dieu a créé l'homme. Mungu amemuumba mtu. Il n'y avait pas de péché. Hakukua zambi. Il a mis tout ce qu'il fallait mettre pour que l'homme puisse fonctionner normalement. Bien aimé, lorsque le virus entre dans l'ordinateur, wapendo, wakati virus inaingia ndani ya computer, un virus par rapport à tous les programmes qui est dans l'ordinateur. Virus moja juu ya hiyo mipangilio yote ambayo inakuwa ndani ya computer. Est-ce que vraiment on peut comparer ça? Je, unaweza ukayalinganishe? N'est-ce pas que le virus est minime? Haujue kama hiyo virusi ni kadogo. Alléluia. Amen. Le virus est petit par rapport au programme que vous avez mis, par rapport au logiciel qui sont dans l'ordinateur pour le faire fonctionner. Hiyo virusi inakuwa kidogo kulinganisha na hiyo programme ambazo umetia ndani ya computer yako. Mais si vous gérez mal ce virus là. Lakini ukitumikisha mubaya hiyo virusi. Ce virus là peut détruire votre ordinateur et vous allez le jeter à la poubelle. Hiyo virusi itaharibisha hiyo computer yako na utaitupa hata kwenye yalala. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça avec l'homme. Na ni haya ndio na mwanadamu. Dieu a créé l'homme. Mungu amemuumba mwanadamu. Il a créé, il a mis tout le nécessaire. Ameumba mwanadamu na amemwekea vyote vinavyostahili. Il a mis aussi des programmes, il a mis il a donné des instructions et il a donné la mission pour que l'homme devait accomplir. Alléluia. Amen. Mais le diable est venu. Il a introduit un virus. Bien-aimé, le virus que le diable a introduit par rapport à tout ce que Dieu avait déjà fait sur l'homme, est-ce que vraiment c'est ce péché-là qui était plus grand que tout ce que Dieu avait déjà donné à l'homme? Répondez-moi. Le péché, c'était un petit virus. Zambi ni virus kidogo que le diable a injecté ambayo shetani ameti ndani ya mwanadamu. Dans l'homme. Mais aujourd'hui, lakini leo, nous voyons ce que ce péché l'a fait. Tunaona nini yale zambi anatenda katika maisha ya mwanadamu. Ce péché-là que le diable a introduit est capable de détruire tout l'homme. Zambi hiyo ambayo shetani ametia ndani ya mwanadamu inayo uwezo kubwa wa kumharibisha mwanadamu. Et vous savez ce que le virus vient faire dans l'ordinateur? Na unajua nini virus inakuja kutenda ndani ya computer? Le virus vient dans l'ordinateur. Virus inakuja ndani ya computer. Pour brouiller. Ili iangazie. Le logiciel qui sont là dedans et le programme. Ili iharibu haya program ambayo inakuwa ndani ya computer. Quand le virus est présent dans l'ordinateur. Wakati virus inakuwa tayari ndani ya computer. Vous pouvez vouloir ouvrir tel programme. Unaweza kupenda ufungue mpango fulani. Et vous allez voir autre chose. Na utaona mambo mengine ambayo yanatokelea. Alléluia. Amen. Le péché aussi c'est comme ça. Zambi nayo ni hivi. Le péché est venu dans l'homme pour modifier ce que l'homme, ce que Dieu avait déjà placé dans l'homme. Zambi imekuja katika maisha ya mwanadamu ili ije kuharibu yale ambayo Mungu ametaka. Et ce péché-là est venu brûler tout ce que Dieu avait déjà mis dans l'homme. Zambi imekuja kuharibu yale yote ambayo Mungu ametia katika maisha ya mwanadamu. Raison pour laquelle aujourd'hui vous ne pouvez pas vous étonner. Ndio maana leo hauwezi ukashangae. Vous allez voir, Dieu quand il a créé toute chose, toute partie sur le corps de l'homme avec une importance. Alléluia. Wakati Mungu amemumba mwanadamu ametia viungo vyote juu ya mwanadamu na kila kiungo na kazi yake. Mais vous allez voir que les gens sont en train d'utiliser ces choses-là. Lakini utaenda kuona wanadamu wanatumikisha mambo haya de leur manière. Kwa namna yao. Pour se détruire. Ili wajiharibu wenyewe. Alléluia. Amen. L'homme savait ce qui plaît à Dieu. Mutu alijua yanayompendeza Mungu. Et ce qui ne plaît pas à Dieu. Na ambayo haimpendeze Mungu. Et même aujourd'hui. Na hata leo. Chaque personne, même si vous sortez pour aller dehors, kila mtu, hata mkitoka hapo inje, vous demandez aux gens qui sont là-bas à l'ombre de la mort. Utauliza hao watu ambao wanakuwa katika kivuli kia mauti. Vous leur demandez qu'est-ce qui plaît à Dieu. Utauliza nini ambao anampendeza Mungu. Je sais qu'il va vous citer ça. Ninajua atakwambia hayo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui plaît à autrui? Nini nampendeza mtu mwingine? Il va citer ça. Atayasema. Alléluia. Amen. Il va vous décrire que vraiment pour être bien avec les gens, il faut vivre comme ça, comme ça, comme ça. Atakuonesha ya kwamba ili uwe vizuri na watu nakubidi uishi namna hii. Et pour vivre avec Dieu, pour être en bonne communion avec Dieu, il faut faire ceci, ceci, ceci. Na ili uwe na mawasiliano mzuri na Mungu nakubidi uishi hivi utende hivi. Malgré qu'il ait le virus du péché à lui. Ijapokuwa anakuwa na hiyo virusi ya dhambi ndani yake. Alléluia. Amen. Mais le virus là vient brouiller la carte. Na virusi hii inakuja kubomoa. Pour qu'il ne fasse pas ce qui plaît à Dieu. Ili asitende ile ambayo anampendeza Mungu. Alléluia. Amen. Nous voyons cet exemple là chez Caïn. Tunaona mfano huu kwa Kaini. Caïn et Abel. Kaini na Abel. C'était les enfants d'Adam et Eve. Walikuwa watoto wa Adamu na Eve. Ils avaient la nature de leurs parents. Walikuwa na maumbile ya wazazi wao. Donc la nature de Dieu. Maumbile ya Mungu. Alléluia. Amen. Et tous deux ont pris la décision d'aller faire une offrande à Dieu. Na wote wawili wakakamata hatua ya kwenda tolea Mungu sadaka. Ils savaient que Dieu aime les offrandes. Walielewa ya kwamba Mungu anapenda sadaka. Alléluia. Amen. Tous les deux savaient que Dieu aime les offrandes. Wote wawili walijua ya kwamba Mungu anapenda sadaka. Ils ont pris l'initiative d'aller offrir à Dieu. Na wakakamata mpango wa kwenda kumtolea Mungu. J'ai dit que le virus agit dans notre vie ou le péché agit dans notre vie de la façon dont nous gérons ce virus là. Nimesema hapo mbeleni ya kwamba virusi ya zambi inatumika katika maisha yetu namna gisi tunavyoikamata ndani ya moyo wetu. Et la présence du péché ou du virus, la présence du virus dans l'ordinateur ne peut pas empêcher au propriétaire de l'ordinateur de l'utiliser. Le virus peut être là présent, mais il va utiliser son programme. Et ce virus-là va agir selon que lui va se comporter avec ça. Alléluia. Amen. Et lorsque Ada et lorsque Caïn et Abel vont devant Dieu, ils présentent leur offrande. L'offrande d'Abel est acceptée. L'offrande de Caïn est refusée. Sadaka ya Caïn inakataliwa. Pourquoi? Kwa nini? Il y avait le péché, la présence du péché. Kulikuwa zambi hapo ndani. Alléluia. Amen. Et Dieu revient vers Caïn. Na Mungu akakuja kwa Caïn. Dira Caïn. Akamwambia Caïn, tu as toutes les dispositions. Una mambo yote mbele yako. À toi. Ndani yako. Qui t'aide à savoir que ça, ça me plaît et ça, ça ne me plaît pas. Anakusaidia kujua hii inanipendeza na hii hainipendezi. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans la disposition qui démontre ce qui me plaît et faire ce qui me plaît pour que je puisse agréer aussi ton offrande? Alléluia. Tout dépendait de Caïn. De la façon dont il va gérer ce péché-là qui est dans son cœur. Il avait toutes les capacités puisque Dieu lui dit. Tu peux relever ta tête. Donc tu peux entrer dans la disposition des choses qui me plaisent. Mais quand un a choisi de cliquer sur le virus, et le virus s'est ouvert. Alléluia. Amen. Et il est, vous savez que lorsque le virus s'ouvre, ça détruit l'ordinateur. Et lorsque le péché là s'est ouvert, il est allé sauter sur son frère. Et il a tué son frère. Et c'est ce que nous agissons, ce que nous faisons chaque jour. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous savons faire de bonnes choses. Nous savons que si je fais ceci, l'autre ne sera pas content. Si je me comporte de cette manière, je serai un piège. Mais il y a des gens qui choisissent seulement d'aller seulement dans les mauvais côtés. Bien aimé, si tu veux réussir, il faut prendre les bonnes dispositions qui sont dans ton cœur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir. Dieu, quand il a créé le sexe, est-ce que le sexe c'est un péché? C'est un péché? Répondez-moi. C'est un péché? C'est Dieu qui l'a créé. Mais à cause de ce virus du péché qui est dans le corps de l'homme, tu vas voir, une autre personne va prendre ça comme une activité génératrice de revenus. Kama vile kazi ambayo namuletea pesa. Et il exploite ça. Na anayatumikisha. Il fait de ça une boutique. Anaifanya kama vile duka. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Je, ni hivi ndivyo Mungu alisema. Bien aimé. Wapendwa. Et quand tu lui poses la question, non, quand tu t'as muswali, ce que tu fais là, est-ce que tu sais que c'est mal? Ile ambayo unayafanya, je unajua kama ni mabaya? Je sais. Atakwambia ninajua. Celui-là a cliqué sur ce péché-là qui est dans sa vie. Vous savez, lorsque tu cliques sur le virus, le virus-là n'a pas pitié. Virus haina huruma. Et avant de cliquer sur le virus, na mbele ya kugusa juu ya virus, il faut te poser la question, ça c'est quelle sorte de virus? Inakubidi ujiswali, hii ni virus ya namna gani? Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ici. Na kuna watoto wengi wa Mungu ambao wanakuwa mahali hapa. Qui continuent à cliquer sur le virus. Ambao wanaendelea kugusa juu ya hiyo virus. Ce virus là va te détruire. Virus hii itakuua. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons des bonnes dispositions dans notre vie. Wapenda tuna maamuzi mazuri katika maisha yetu. Et nous devons pratiquer de bonnes choses pour plaire à Dieu et vivre bien avec les hommes. Na inatubidi tukamate maamuzi mazuri ili tuweze kumpendeza Mungu na kuishi vizuri na watu wengine. Le diable vient vers la femme et lui dit. Shetani akakuja mbele ya mwanamke na akamwambia. Est-ce que le Seigneur a dit que vous ne mangerez pas? Je bwana mungu amesema hamuta kula. Alléluia. Amen. Et l'homme répond. Na mtu akajibia. Nous mangeons des arbres de la forêt. Tunakula matunda yote ya shamba. Mais Dieu nous a interdit cet arbre. Lakini mungu ametukaza taza mtu. Vous ne mangerez pas. Amesema hamuta kula. Et vous ne toucherez pas. Na hamuta gusa. Vous ne mangerez pas hamuta et vous ne toucherez na pas. Alléluia. Quelque Amen. Chose qu'on t'a dit qu'il ne faut pas manger et il ne faut même pas toucher. Tu vas commencer Kitu à t'intéresser à ça. Hauta kula na hauta Alléluia. Mais lorsque le péché est arrivé, la Bible nous dit que Bible natuambia, ce péché-là est venu brûler. Zambi ce qui était dans la tête de la femme. Yale katika kichwa et elle a vu que l'arbre était na beau à manger, muti, mzuri kwa kula, beau à voir, mzuri kwa kuona, et beau pour ouvrir l'intelligence. Mzuri kwa kufungua akili. Qui a dit que Eve, qui a dit à Eve que son intelligence était fermée? Nani aliambia Eva kama akili yake ilikuwa imefungwa? Lorsque Dieu l'a créé, wakati Mungu alimuumba, il n'avait pas besoin de fermer son intelligence pour hakuwa, arriver à quoi? Hakuwa na haja ya kufunga akili yake juu afikirie kwa nini? Mais elle-même maintenant, lakini yeye mwenyewe, tellement qu'elle est brûlée par ce virus du péché. Kwa angamizwa na hiyo zambi. Elle considère que mon intelligence est fermée, il faut que ça s'ouvre. Akaona ya kwamba akili yangu imefungwa, inabidi ifunguliwe. Beau à voir. Mzuri kwa kuona. Voir quoi? Kuona nini? Dieu a dit ne vous approchez pas de ça. Mungu alisema msiisogelee. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Wapenda tubidi tukamate majukumu yetu. Le péché c'est un virus qui vient briller la carte. Pour que les capacités nous a donné, Zambi, les capacités que le Seigneur nous a donné ne puissent pas produire. Zambi ni virus ambayo inakuja kuua yale ambayo Mungu ameweka ndani yetu ili yasizae matunda. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque vous constatez le virus dans votre machine, Mupendo, wakati unakutana virus ndani ya computer yako, j'ai dit que ça va dépendre de la façon que vous allez gérer cette virus. Ninasema inatokana na gizi mwenyewe utaweza kutumikisha hiyo virus. Il y a trois options. Kuna mambo matatu que vous pouvez opter. Ambao unaweza ukachagua. Lorsque vous constatez le virus dans votre machine, wakati unakutana virus ndani ya computer yako, la première option, jambo la kwanza, vous pouvez chercher un antivirus pour l'éliminer. Unaweza ukatafuta yale ambao yataondoa virus hii. La deuxième option, jambo la pili, vous pouvez prendre le virus et le jeter dans la corbeille. Unaweza kamata virus hii na kuitupa ndani ya yalala. Et la troisième option, na jambo la tatu, vous pouvez être curieux et dire, unaweza kuwa na mwenye kusema, j'ouvre ça d'abord kwanza, pour voir ce qui est dedans. Ili nione nyeko ndani yake. Après, on va voir. Kwa mwisho nitaona. N'est-ce pas? Sivyo. Et le péché, c'est comme ça. Nani que l'homme gère le péché. Inakuwa ndani ya maisha mwanadamu. Alléluia. Amen. Et chaque action que vous allez poser, chaque façon de gérer ce virus-là, na kila tendo takalo litoa kwa ajili ya kutumikisha virus hili, va te donner des résultats. Itakupatia jibu. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose pour créer traiter le problème du péché dans notre vie. Kwa kusawanisha mambo ya zambi ndani ya maisha yetu. Lorsque nous étions dans le monde, wakati tulipokuwa ndani ya dunia, tous nous avons hérité du péché. Sote tulichukua zambi. À partir d'Adam. Kutokea Adamu. Alléluia. Amen. Mais parmi nous, il y a ceux qui ont dit, lakini miongoni mwetu kwa wale ambao walisema, c'est péché qui est dans ma vie. Zambi ambayo iko ndani ya maisha yangu. Il faut que je le traite une fois pour toutes. Inaomba ni achililie limoya. Et ils ont accepté de faire appel. Na wakamuita à l'antivirus. Kwa hiyo ya kuondoa hiyo virus. Ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Wakaitika kupatia Yesu maisha. Adisa Seigneur. Wakimwambia Bwana. Moi je me jette entre tes mains. Mimi najitia katika mikono. Je vais régler ce problème de péché. Ndatia hiyo mambo ya zambi. Je ne veux plus être esclave du péché. Sitakuwa tena mtumwa wa zambi. Je ne veux plus être esclave du diable. Sitakuwa tena mtumwa wa shetani. Alléluia. Amen. Puisque lorsque c'est le péché qui contrôle votre vie. Kwa kuwa wakati zambi ina tazama maisha yako, inatumikisha maisha yako. C'est lui qui a injecté le péché dans votre vie. Yule ambaye ametia zambi ndani ya maisha yako. Il ne va pas le mettre et partir. Hata itia na naenda. Il faut qu'il fasse le suivi. Inamubidi afatilie. De voir comment ce péché là va produire des fruits dans votre vie. Namna gani zambi hii itatoa matunda katika maisha yako. Amen. Et ceux qui ont remarqué ça ont dit non. Na wale ambao walitazama hii katika maisha yao wakasema hapana. Il faut que je mette fin à ce cette histoire. Et ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Et lorsque Jésus-Christ vient vivre dans notre vie, la Bible nous dit qu'il nous donne le salut. C'est le Jean chapitre 3, le verset 16. Selon Jean chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu nous dit qu'il nous donne une nouvelle identité. Nous devenons des enfants de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 nous dit nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu fait ce travail sur nous, lui aussi dit, le diable, quand il injecte les péchés dans la vie de l'homme, il fait le suivi. Moi aussi, comme cette personne m'a donné la vie, sa vie, je vais faire le suivi. Moi, je vais aller habiter. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, je viendrai et je ferai ma demeure en vous. Alléluia. Pourquoi Dieu vient faire sa demeure en nous? Il vient faire sa demeure en nous. Puisque lui-même veut commencer à s'occuper de d'autres virus qui vont venir, vouloir venir. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est déjà dans votre vie, le diable il est impoli. Il va essayer de vouloir injecter d'autres virus. Virus. Mais tellement que Jésus-Christ est là, il va commencer à s'occuper de cela. Alléluia. Raison pour laquelle si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, ne rentre pas ça donner ta vie à Jésus. Il va s'occuper de ces problèmes-là du péché d'attaque. Alléluia. Amen. La deuxième option, jambo la pili, c'est lorsque il y a d'autres personnes qui ont choisi kuna watu wengine ambao wamechagua de donner réellement leur vie à Jésus. Kupatia Yesu Kristo maisha yao. Et peut-être qu'ils ont confessé leurs péchés. Ninawezekana wametubu hata dhambi zao. Mais ils ont dit, ah, pour ça, je pense que non, c'est pas encore. Lakini wamesema kwa hii, sitaacha. Ils ont pris, ils ont jeté dans la corbeille. Walikamata na wakatupa ndani ya. Vous savez quelque chose dans la corbeille? Ya yalala. Vous pouvez aller dans la corbeille de votre ordinateur. Unaweza kwenda ndani ya yalala ya computer yako pour récupérer certaines choses. Na kuchukua mambo fulani fulani. Et il y a beaucoup de chrétiens qui rentrent dans la corbeille, qui ont gardé les choses dans la corbeille. Et chaque fois, quand quelqu'un se heurte sur lui, il ramasse cette chose-là et il la brandit. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle ndio maana, même quand tu es dans les bus, tu sais bien que les gens sont coincés dans les taxis bus. Unaelewa kwamba watu wanafungamana ndani ya bus. Quand quelqu'un te piétine seulement, wakati mtu atakukanyanga tu, comme s'il a versé du pétrole sur le feu, kama vile ametia pétrole juu ya moto, c'est puisque tu as gardé d'autres choses dans la corbeille. Ni kwa kuwa umeweka vitu vingine ndani ya yalala. Alléluia. Amen. Attaque enfant de Dieu, kama vile mtoto wa Mungu, nous ne devons pas garder les virus dans la corbeille. Haitubidi tuchunge virus ndani ya. Nous ne devons pas garder les péchés. Hatupashe kuchunga zambi. Ces péchés chéris que tu ne veux pas abandonner. Zambi hizi za urafiki ambazo hatupendi kuachana nazo. Ça détruit ta vie. Zinaharibu maisha yako. Alléluia. Amen. Et ça fait que tu sois invivable. Na inaacha hauweze tena kuishi. Peut-être parfois tu te poses la question pour dire, mara nyingine unajiuliza, mais je suis chrétienne. Niko mukristo. Je suis chrétien. Niko mukristo. Pourquoi on me reproche toujours cette chose? Kwa nini wananikataza kila siku jambo hili? C'est puisque tu l'as gardé dans la corbeille. Ni kwa kuwa umeyaweka ndani ya yalala yako. Tu n'as pas voulu montrer ça. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ta vie, tu n'as pas voulu lâcher ça. Wakati Yesu Kristo alipokuja ndani ya maisha yako, haukupenda kutoa mambo haya. Et c'est un bombe à retardement que tu gardes. Na hiyo ni bomu ambayo mwenyewe unachukua. Un jour ça te créera des problèmes. Siku moja itakuletea madhara. Alléluia. Amen. Nous devons nous débarrasser de tout péché. Inatubidi tuachane na zambi zote. Dans notre vie. Katika maisha yetu. Et la troisième façon de faire, na jambo la tatu, c'est dire, ni kusema, Quelqu'un dans le monde, qui est dans le monde. Mutu ambaye anakuwa ndani ya dunia. Il est encore dans le monde. Iko ndani ya dunia. Il y a des virus qui sont entrés. Na kuna mambo mabaya ambayo yameingia. Elle dit ah. Na anasema. J'essaie d'ouvrir. Ninapima kufungua. Vous savez que même d'autres personnes qui sont déjà chrétiens qui ont gardé le virus dans la corbeille. Unajua ya kwamba hata watu wa moja ambao wanakuwa wa Kristo na wameweka vitu ndani ya. Il récupère ce virus là. Wanachukua mambo haya. Ils essaient d'ouvrir ça. Na wanapima kuyafungua. Lorsque vous ouvrez le virus. Wakati unafungua hiyo virus. Vous ne savez pas hauchue, sa force. Nguvu yayo ni gani? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens que lorsque nous étions dans le monde. Kuna watu wengi wakati tulipokuwa ndani ya dunia. Nous avons fait l'expérience d'ouvrir le virus. Tulipima kufungua ma virus haya. De cliquer sur le virus. Tukagusa juu ya ma virus haya. Et ce virus a produit tout ce qu'il voulait dans nos vies. Ma virus hii kaleta mambo ambayo yalikuwa ndani ya maisha yetu. Toi-même, tu connais sur quel virus tu avais cliqué quand tu étais encore dans le monde. Et tu sais, lorsque tu cliques sur le virus, ça laisse, même quand tu peux l'éliminer, ça va laisser des séquelles. Vous qui utilisez les ordinateurs, si vous avez ouvert un virus et que vous allez chez les techniciens pour arranger votre ordinateur. N'est-ce pas qu'il y a des conséquences? Je, hakuna soit il y a des programmes qui sont perdus. Na kuna mipangilio ambayo imepotea. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Kuna vitu vingi ambavyo vimepitikana humo ndani. Et beaucoup de gens. Na watu wengi. Lorsque nous étions encore dans le monde. Wakati tulikuwa ndani ya dunia. Il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur les péchés. Kuna watu wengi ambao waligusa juu ya zambi. Peut-être c'était le péché d'impudicité, tu as cliqué dessus. Inawezekana ilikuwa usherati ambao. Et ça s'est ouvert. Na yakajifungua. Et tu as commencé à faire l'impudicité comme il n'est pas permis. Kama vile haikuitikiwa. Et il y a eu des conséquences. Na kuna mambo mengi ambayo yametokea ya mabaya. Même quand tu as déjà réparé, Jésus-Christ a déjà réparé. Na hata kama Yesu Kristo ameyatengeneza. Il y a des conséquences qui sont restées. Kuna mambo mabaya ambayo yamebakia. Qui ont créé ce qu'on a parlé l'année passée, les blessures. Yale ambayo yameleta yale ambayo tulizungumzia mwaka uliopita, vidonda vya ndani. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es à ce lieu. Mpendo kama uko mahali hapa. Et que tu te rends compte que il y a vraiment des virus sur lesquels j'avais cliqué. Na unaelewa ya kwamba kuna virusi ambavyo nimegusa. Et malgré le salut. Na ijapokuwa nimeokoka. Ces virus là ont laissé des conséquences. Mambo haya yameacha mabaya ndani ya maisha yangu. Demande aujourd'hui à Dieu ambia Mungu leo de te délivrer unifungue de tous ces séquelles na mambo haya yote mabaya puisque ces séquelles là kwa kuwa mambo haya mabaya vont modifier ta façon de vivre yataharibu namna yako ya kuishi ces séquelles vont modifier ton caractère yataharibu hata utu wako ces séquelles vont modifier ta façon de parler yataharibu hata namna yako ya kuzungumuza. Et même parfois quand tu te présentes devant Dieu. Na hata mara nyingi ukifika mbele ya Mungu. Tu as une sorte de culpabilité à toi. Unakuwa na jambo ambalo linakurudiria mabaya. Et tu commences à te poser la question. Na unaanza kujiuliza, je? Quand j'étais dans le monde. Wakati nilipokuwa ndani ya dunia. J'avais cliqué sur ceci. Niligusa juu ya haya. Est-ce que vraiment c'est déjà réparé? Je, nimeyasawanyisha. Il y a déjà qui ont cliqué sur l'occultisme. Kuna watu ambao wamegusa uchawi. Lorsque le péché se présente. Wakati zambi inajitokeza. C'est une tentation. Ni jaribu. Ce n'est pas encore péché jusque là. Zambi mpaka hapa. Mais c'est lorsque vous cliquez dessus. Lakini wakati utakapogusa hapa. Et que vous entrez dedans. Na utaingia ndani yake. Vous prenez ce qui est dedans. Utachukua yale ndani yake. Que ça devient péché. Ndio inakuwa zambi. Et que ça commence à agir dans votre vie. Na inaanza kutenda ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Une jeune fille peut venir te proposer que je vais coucher avec toi. Dada wanaweza wakaja wakakwambia tutende jambo la ngoro. Jusque là, ça veut quoi kutia litoi. Mpaka hapa. Vraiment il y a quoi ta zambi. Il n'y a pas de péché. Mais lorsque tu cliques pour dire voyons voir ce qui est dedans, ce qu'on est en train de me proposer là. Niyake. Ça va produire ses effets. Italeta mabaya. Il y aura des bébés. Utakuwa watoto. Il y aura des IST. Utakuwa magonjwa. Il y aura les VIH. Utakuwa tu vas perdre ta virginité. Utapoteza ubikira wako. Et quand tu vas venir à Jésus. Na wakati utakapokuja kwa Yesu Kristo. Jésus Christ ne va pas tuer les bébés. Yesu Kristo hata muua mtoto. Alléluia. Amen. Tu vas venir avec ton bébé à Jésus. Utakuja na mtoto wako mbele ya Yesu. Puisque ce bébé là n'est pas un fait de hasard. Kwa kuwa huu mtoto hakutokea tu kikawaida. Alléluia. Amen. On t'a proposé l'occultisme. Wamekupeleka ndani ya uchawi. C'était quelque chose qui était là. Ilikuwa kitu ambacho kilikuwa parmi c'est un virus d'autre. Ni virus katikati ya hivyo vingine. Et tu as dit na ukasema ça paraît inaonekana ya mzuri. Et so je sais un peu de cliquer dessus. Mimi napima tu kugusa kidogo. Et puis je vais fermer ça vite. Je vais funga mbio mbio. Tu as ouvert. Umefungua. Et les démons sont venus. Et on a commencé à te demander des sacrifices. Et comme tu avais peur de la mort, tu as sacrifié tes parents. Quand tu viens à Jésus, toi tu penses que tes parents vont ressusciter. Oh. Jésus-Christ était le dernier à ressusciter. Ceux qui ressusciteront encore, c'est la première résurrection ni ufufuko wa kwanza à la fin du monde. Kwa mwisho wa dunia. Alléluia. Amen. Lorsque tu as cliqué sur le virus bien-aimé, wakati umegusa kwenye virus, quand tu étais encore dans le monde, wakati ulikuwa ndani ya zambi, sache elewa que les conséquences matokeo mabaya vont rester. Itabaki. Mais heureusement que nous avons Jésus. Lakini ni heri, la Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. Anasema yeye ni yule il est capable de nous renouveler. Anaweza il est capable de nous séparer anaweza de notre passé. Mbali na zami, na alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas incliner ta tête. Mupendo, utainamisha kichwa yako. Cet après-midi, jioni ya leo, le Seigneur nous a parlé. Bwana Mungu ametuzungumzia. Peut-être que tu es là. Inawezekana uko mahali hapa. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Haujampatia Yesu Kristo maisha yako. Ne rate pas cette occasion. Usipoteze muda huu. Ne rate pas cette occasion. Usipoteze muda huu. Les minutes qui suivent. Saa ambazo zinafuata. Tu ne connais pas ce qui peut arriver. Haujui nini itatokea. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Kama unapenda kumpatia Yesu Kristo maisha yako. Tu peux juste élever ta main. Unaweza tu kuinua mkono wako. Là où tu es. Mahali unapopatikana.